Chapitre 359. La réprobation de refuser la plante odoriférante qui nous est tendue, sauf pour une raison valable. 1786. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui se voit offrir une plante odoriférante comme le basilic ne doit pas la refuser. Elles sont en effet légères à porter et d'une odeur agréable. » Muslim. 1787. Selon Anas ibn Malik radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam ne refusait jamais du parfum. Al-Bukhari.